Micro ouvert. C'est parti. Je me trouve en face de Clara et en face de Jonas. Est-ce que vous pouvez dire bonjour, Clara? Bonjour. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous en ce samedi? Ouais, on n'est pas un jour de semaine, hein. On est samedi. C'est quoi la différence? Je ne sais pas. Et toi, tu sais? Entre un jour de semaine et un samedi et un dimanche, par exemple, c'est quoi la différence? Je ne sais pas. Non? Bah, la différence, c'est que vous n'avez pas dû vous lever pour aller à l'école aujourd'hui. Oui? Oui. T'as dû aller à l'école aujourd'hui? Oui. Oh t'as dû aller à l'école aujourd'hui? Non. Ah, ok, ok. Le samedi et le dimanche, il n'y a pas école, on est d'accord. Oui. Et là, t'étais occupée à lécher la cuillère de ton gâteau que tu viens de faire. Tu peux raconter c'est quoi ce gâteau? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du sucre. De la farine, des œufs, encore du sucre et du cacao. Et c'était bien? Et du chocolat. Et c'était bien alors? Il est dans le four? Oui, il est dans le four. Et là, tu lèches la cuillère, quoi. Vraiment, tu la lèches bien. Hein. Oui. C'est bon? Et toi, alors, Clara, t'as fait une cabane pendant ce temps? Oui. Tu peux décrire ta cabane, où tu l'as faite et comment? Avec des écharpes et aussi des coussins et aussi, aussi avec une couverture en dessous de la cabane pour faire un lit. Et c'est ta cabane, alors elle vient d'être créée. Tu l'as inventée là maintenant. Oui. Et qu'est-ce qui se passe dans ta cabane? Ben, on peut dormir et on peut aussi mettre des doudous en dessous. Et on peut venir dans ta cabane ou bien tu préfères non? Est-ce que la porte est ouverte? On peut venir comme ça ou bien tu préfères que non? Là, on peut y aller comme ça, mais aussi comme ça. Hein? Oui, on peut y aller, mais... Oui, mais c'est que Jonas, parce que c'est pas les grands, parce qu'ils sont trop grands, en fait, pour y aller dedans. Et d'autres enfants que Jonas? Oui. Peuvent venir? Oui, aussi ceux à mon anniversaire, ils peuvent venir. Okay. Donc pas les adultes, parce que c'est trop petit pour les adultes, quoi. Oui. Allez, et qu'est-ce que j'aurais encore envie, comment on pourrait causer ensemble Donc, t'as quel âge, toi, Clara? 4 ans. Et toi, Jonas? 6 ans. Ça fait pas beaucoup de temps par rapport à nous, les grands, que vous êtes sur la Terre. Vous êtes d'accord ou pas avec c'est ça? Un micro. Oui, c'est un micro. Mais on n'entend pas de son. Non, mais ça, tu l'entendras après. Tu veux le casque pour voir? Oui. Tiens, vas-y, prends-le. Prends-le, mets-le sur tes oreilles. Avec tes deux mains, hein, tu t'assieds. Voilà. Normalement, t'es censé, tu m'entends beaucoup plus. Hein. Waouh, t'entends? Oui. Tu chantes une chanson? Parce que maintenant que t'as le casque et tout, vas-y. T'as envie de chanter une chanson? Qu'est-ce que t'as envie de chanter? Je sais pas. T'es un peu intimidé, là? T'es un peu, quoi? Ça fait quoi d'entendre ma voix et ta voix aussi fort dans les oreilles? Qu'est-ce que ça fait d'entendre comme ça, d'entendre ta voix, par exemple, dans le casque? Qu'est-ce que ça te fait? Tu reconnais ta voix? Oui. Tu la reconnais? Oui. Tu l'aimes bien, ta voix? Oui. Et celle de Clara? Clara, regarde, pour qu'on entende sa voix, tu nous racontes une histoire ou tu nous chantes une chanson? Je ne sais pas. Une chanson, alors? Une chanson que tu connais? Mais je ne sais pas quelle chanson. Toi, tu te mets. Vas-y, do ré mi comme tu faisais ce matin, c'est qui t'a appris ça? C'est pas moi qui a fait en fait. Tu dis? C'est pas moi qui a fait, mais c'est Clara, je sais pas comment elle a fait. On dit ré mi. Mais quoi, vous êtes frère et sœur alors? Oui. Clara est plus petite que toi? Ou c'est toi qui est plus petit qu'elle? C'est moi le plus grand. Et quoi? Et c'est bien d'être plus grand ou... C'est bien. C'est bien d'être plus grand ou bien c'est mieux d'être plus petit? Qu'est-ce que ça n'a pas d'importance? Qu'est-ce qui est... Parce que quand on est plus grand, t'es quand même plus grand que Clara. Oui. Et toi, t'es plus petite que Jonas. Oui. Est-ce que vous voyez une différence dans entre vous de ça? Qu'est-ce qui se passe quand on est plus grand et qu'est-ce qui se passe quand on est plus petit? Tu sais expliquer ça? On parle pas très bien. Quand on est plus grand, on parle très bien. Très bien. C'est vrai. Et quoi d'autre comme exemple? Mais quand on est plus petit, on voit très bien. Et quand on est plus grand, on voit plus très bien. Ah bon? Plutôt quand on est plus vieux. Ah, plus vieux, oui, c'est vrai. Et quoi d'autre alors? Qu'est-ce qui se passe, la différence entre quand on est plus petit et plus grand encore? Quand on est plus grand, on peut faire des choses que les plus petits peuvent pas faire. Et... On peut courir très vite. Les plus petits sont derrière, ils suivent pas, quoi, c'est ça? Oui. Et par exemple, sur le, donc vous allez à l'école comme la plupart des enfants. Oui. Est-ce que oui? Et on est dans une plus grande classe. Et tu aimes bien ton école? Oui. Et toi, Clara, t'aimes bien ton école? Oui. Et vous pouvez dire pourquoi vous aimez bien, vous préférez l'école ou bien vous préférez les vacances, les jours où on y va? En fait, on préfère la cour de récréation. Pourquoi? Parce que, en fait, on peut jouer. Et tu préfères alors jouer dans la cour de récréation que d'être en classe? Je préfère jouer dans la cour de récréation. Mais pourquoi? Pourquoi c'est... En classe. Mais pourquoi tu préfères cette différence? Parce que on peut jouer. Mais... Et qu'est-ce que tu aurais envie, tu sais la phrase bidon, qu'est-ce que tu auras envie de faire quand tu seras plus grand? Qu'est-ce que t'aimes bien dans la vie, toi, en ce moment? De faire une cabane dans l'arbre. Ah ouais? T'aimes bien les cabanes aussi? Oui. Et qu'est-ce que t'aimes bien? Pourquoi t'aimes bien les cabanes? Parce que c'est chouette. Mais encore? T'aimes bien la nature, du coup, alors? Oui. Bon, je suis un peu à court d'idées là. T'as une idée, Marie? De quoi on pourrait causer? Moi, j'ai envie de mettre le masque. Ah oui, t'as envie de mettre le casque. C'est pas le masque, c'est le casque. Tu l'aides à mettre le casque? Pour qu'elle écoute alors le son de sa voix, de la voix de son frère et de ma voix. T'entends, ça va fort, hein? Qu'est-ce que tu racontes alors, Jonas? De quoi t'auras envie de parler? T'as vu un dessin animé ce matin? C'était chouette. Mais je vois que vous êtes vraiment scotché dans le dessin animé, hein? Oui. Quand ils avaient peur, vous aviez peur. Quand c'était un petit peu fait. Ça fait peur parce que c'était d'Halloween. Halloween. Oui. Et c'est quoi, c'était quoi l'histoire? Et il avait un arbre avec des dents. Un arbre avec des dents? Oui, avec des yeux méchants. Et quoi, qu'est-ce qu'il faisait là dans l'histoire? Donc, il y a un éléphant et un kangourou qui doivent y aller parce que Winnie l'ourson, il a tout mangé les bonbons et pour rien avoir, il faut d'abord capturer le méchant qui est là-dedans. Ils ont fait une porte et tant que le méchant il l'a, il tire sur le fil, après la porte est fermée. Et quoi, l'histoire se termine bien? Oui. Oui ou non? Oui. Ok, ok. Et t'aimais bien l'histoire? Oui, ça faisait un petit peu peur, mais ça, c'était bien. Parce que moi, j'adore les dessins animés. T'adores les dessins animés? Oui. Mais pourquoi t'adores? Qu'est-ce que t'aimes bien là-dedans? Parce que parfois c'est méchant et parfois c'est... Et parfois c'est gay. Et parfois c'est trop chouette. Et parfois c'est... Plus chouette, c'est ça que t'as dit? Plus chouette. Et quoi, tu préfères ta maman ou ton papa? La question vraiment piège, là. Deux. Ah, bien, bien vu, bien vu, bien vu. Et toi, Clara? Clara, t'es scotchée, là, à entendre la voix. Ça te fait quoi d'entendre ma voix, la voix de ton frère, ta voix à toi, dans le casque, si proche des oreilles? Ça te fait quoi? Ça me fait entendre. Ça te fait quoi? Ça me fait entendre. Ça te fait entendre, ok. Ouais, est-ce que tu reconnais le son de ta voix? Oui. Et toi, les dessins animés, t'aimes bien? Oui. Et qu'est-ce que t'aimes bien dans les dessins animés? Ben, j'aime bien quand ils se déguisent. Et pourquoi parce t'aimes bien? Dans les dessins animés, ils sont déguisés. Ils étaient déguisés, mais comme Halloween. Et à la fin, ils ont mis des citrouilles pour tout le monde. Sauf pour l'éléphant, parce que la brouillette, elle était tombée. De la brouillette? Ah, de la brouette! Oh. Et donc, elle l'a pas reçue. Et quoi, la phrase bidon, c'était ça que j'avais envie de dire? Oui. En fait, c'était le kangourou qui croyait qu'il était transformé parce que le méchant, si on n'arrive pas à le capturer, il le transforme en l'homme citrouille. Et donc, elle croyait qu'il était transformé en l'homme citrouille, l'éléphant. Mais c'était pas celui-là parce qu'en fait, l'éléphant, il était enfermé. Parce que le kangourou, il savait pas que c'était pas le méchant, c'était l'éléphant. Il avait réussi à sortir. On comprend pas tout, hein, mais tu vois, hein, comme on l'a pas vu, mais t'as bien aimé, quoi. Oui. Et donc il a cassé le truc pour capturer. En fait, il n'était pas là. Alors, ils ont reçu plein de bonbons à la fin. Ah, les bonbons. T'aimes bien les bonbons? Oui. Qu'est-ce que t'aimes bien dans les bonbons? Parce qu'il y a du sucre. Ah, t'aimes bien le sucre, toi? Oui. C'est bizarre, ça. T'adores? Et toi, t'aimes bien le sucre, Clara? Oui. Il y en a dans les biscuits. Hein. Il y a du sucre de canne dans les biscuits. Il y a du sucre vanillé dans les biscuits. On n'a pas mis de miel cette fois-ci, mais oui, ils aiment bien d'avoir un peu de sucre quand même. Une question à poser comme ça? Moi, j'ai plus d'idées. Ah, moi, je me dis, tiens, et est-ce que vous avez fait des rêves ou bien des cauchemars ces temps-ci? Des rêves, des cauchemars? Aujourd'hui? Les jours qui ont suivi, aujourd'hui, hier. Est-ce que tu as rêvé cette nuit? Ou fait des cauchemars? Oui. Ah oui, j'ai rêvé! J'ai rêvé, c'était trop chouette. Je sais plus. Comment tu sais que c'était chouette alors? Mais parce que je savais que c'était chouette, mais maintenant je sais plus. Ok, ok. De quoi ça parle? Allez, la question bidon, les gars. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? J'ai rêvé des chevaliers, en fait. Et tous les chevaliers du château, j'étais dans le château, ils étaient mes amis. Et l'autre château, on avait battu tout le château de l'autre. Là, on avait gagné et on était tous les rois. Parce qu'on n'était jamais morts. On n'était même pas morts. Même pas morts? On avait pris beaucoup, beaucoup de boulets de canon. T'aimes bien un peu la bagarre et la guerre, toi, hein? Les combats et tout ça, tu kiffes, hein? T'aimes bien, hein? Jonas, t'as dit oui? Oui. Et mais pourquoi t'aimes bien ça? Qu'est-ce que quoi? Pourquoi t'aimes ça? Parce que c'est trop chouette. Oui, mais évidemment qu'on imagine bien que tu trouves ça chouette, mais il faut essayer de mettre des mots. Mais qu'est-ce que tu trouves chouette, quoi? Tu trouves chouette parce que qu'est-ce que tu trouves chouette? T'arriverais à le dire? Qu'est-ce qu'il y a de chouette dans un chevalier, dans des armes, dans le fait de... Moi, j'aime bien quand il y a une armure. Mais pourquoi? Parce que c'est en métal et c'est beau. Ah, voilà. Et aussi, on est protégé. Oui. On peut pas nous faire du mal. Oui. Si on a une armure. Oui. Et quoi, t'aimerais bien, comme ça, dans la vie, te promener avec une armure en métal? Oui, j'aimerais bien être un chevalier. Ah, mais pourquoi? Parce que c'est chouette. Ok, comprends bien que c'est chouette, mais pourquoi un chevalier? Pourquoi pas une princesse, par exemple? Tu comprends? Pourquoi pas boulanger? Pourquoi chevalier? Quelle est la différence? Pourquoi t'aimerais bien être chevalier plutôt qu'une princesse? Ou plutôt qu'un dinosaure? Ou plutôt qu'un prof d'histoire? Mais j'aime bien que un chevalier parce qu'il a... des armes. Parfois deux armes. Wow. Parfois un couteau et parfois aussi un sabre. Ah ouais, ouais. T'aimes bien ça quand même. Hein. Oui. Pour se protéger. Ça. Ouais. Mais encore un couteau. Et ça vient pas de moi, maman. Non, pas ça. Ça, c'est trop grand. Vite te montrer. Avec son bouclier. Voilà, ben là on voit pas, hein, c'est de la radio, mais tu peux décrire ce que tu vois, Marie? Alors là, Jonas a mis, donc il a pris son coussin en forme ronde avec une tête de bélier dessus, ça c'est son bouclier. Et puis il a un sac à pain roulé en torche pour faire une épée et un autre plus court roulé en torche aussi. Et coincé dans son gilet, et là, c'est son couteau. Donc là, il est bien défendu, quoi. Non, mais t'as envie de qu'on cause un peu. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Moi, j'aimerais bien être une princesse. Et pourquoi? Parce que j'aime bien les princesses. Oui, mais pourquoi? Essaye d'expliquer pourquoi t'aimes bien les princesses. Parce que en fait et j'ai rêvé des princesses et aussi ils ont des couronnes les princesses. Mais pourquoi une princesse? Pourquoi pas un animal? Pourquoi pas tu vois pourquoi tu aimerais bien être une princesse? Parce que j'aime plutôt c'est une princesse parce que c'est pas parce que en fait et je les trouve belles. Oh, c'est ça! Tu trouves une princesse belle. Et donc, t'as envie d'être une belle princesse, toi. Oui. Ce qui est important pour toi, c'est d'être belle. Oui. Marie, c'est toi la maman. Et qu'est-ce que ça te fait d'entendre tout très, ça? C'est très genré, on va dire. Je pense que l'influence sociale permet ce genre de, ouais, d'idées. Mais t'as pas envie d'être, d'être une chevalière? Un chevalier? Non. Mais pourquoi? Parce que j'aime pas les chevaliers. Explique pourquoi. Mais parce que, en fait, il y a une attaque et moi, j'aime pas l'attaque. Ah, oui, c'est très genré, hein? Et comment ça se fait, ça? C'est pourtant très vrai. Je pense qu'ils jouent comme ça. Hein. On n'a pas spécialement inculqué les choses. C'est ce qui arrive là, comme ça. C'est parce qu'ils sont inscrits aussi dans une société où à l'école, il y a des choses qui se jouent. Et donc, ils ramènent les stéréotypes de la société aussi. Est-ce que, comme ça, ici, en prenant conscience de ça, que ta petite fille veut être une princesse et ton garçon un chevalier, est-ce que t'as pas envie de changer un peu la donne pour que ce soit un petit peu plus comment dire voilà, ouais, un peu plus profond sur d'autres valeurs aussi, parce que du coup, bon, bah, la princesse elle doit être belle et le chevalier il doit être fort, quoi, tu sais, c'est hyper caricatural. Est-ce qu'il y a pas moyen de changer cette donne, voilà, quand on n'y prend pas trop, quand on n'y fait pas trop gaffe, donc c'est ça qui se ramène à la maison quelque part. Ah oui, c'est ça qui arrive et c'est comme ça qu'il joue aussi. Après, moi, c'est ma première fille ici, donc après trois garçons qui ont joué un peu dans tous les sens. Maintenant, c'est vrai que quand Clara est arrivée, moi j'avais donné une poupée à Jonas, donc justement pour arriver avec un autre genre et puis préparer l'arrivée. Mais là, je suis quand même assez... oui, bon, par observation, je vois bien que c'est ça qui arrive. Hein, ils jouent comme ça, mais ils en ont bien conscience aussi. Donc, ils s'expriment là-dessus clairement. Et donc, ça, oui, ça pose question. On pourrait faire un petit débat philosophique à l'école, par exemple. Oui, ça pose question ou pas. Hein, je veux dire, t'es très bien là-dedans, voilà. C'est parce que c'est aussi le monde moderne qui dit... Enfin voilà, si par exemple t'es une petite fille que tu joues au foot, aujourd'hui ça passe mieux qu'il y a peut-être 20 ans. Hein, tu vois ce que je veux dire? Si tu montes dans les arbres, bah, c'était les garçons qui faisaient ça, c'était pas les filles. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Oui, après mon vécu, moi c'est vrai que j'étais plutôt garçon manqué à grimper dans les arbres et à justement faire un peu la sauvageonne. Je n'avais pas de poupée, j'étais en train de jouer plutôt avec des branches, des cailloux et à faire des cabanes. Et t'avais envie aussi. Donc c'est vrai que ce qui arrive ici m'est un peu étranger. Mais je vois que dans l'éducation, en tout cas des plus grands et maintenant Jonas aussi, je vois qu'ils aiment par exemple faire la cuisine, prendre soin de certaines choses, hein, je dirais pas tout, mais enfin... voilà, donc je pense que le contre-pied peut arriver avec l'éducation petit à petit, quoi. C'est vrai, Jonas, t'es un chevalier, mais tu fais aussi des gâteaux, là. Tu viens de faire... Attends, je vais te dire. En fait, je sais, j'ai aussi fait un casque de chevalier et je vais faire l'armure et la ceinture et l'épée et encore je sais plus. Ok, on entend bien. Tu aimes bien les chevaliers, mais tu as aussi fait un gâteau ce matin. Bah oui. Donc les chevaliers, ils peuvent quand même faire des gâteaux ou pas? Oui. Ah bah oui, puisque t'en as fait un chevalier, il peut faire des gâteaux. Bah oui. Un chevalier, est-ce qu'il peut être recoud de son pantalon? Oui. Ah, tu vois, est-ce qu'un chevalier, il fait la cuisine? Parce que t'as un papa qui prépare beaucoup la cuisine, hein. Est-ce qu'un chevalier peut faire la cuisine? Oui. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre, un chevalier, encore? Je ne sais plus. Tu sais plus? Une princesse, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? La princesse. Est-ce qu'elle pourrait faire autre chose que juste être belle et se faire belle, Clara? Elle peut avoir un bouquet de fleurs. Ah, elle peut avoir un bouquet de fleurs. Et pour avoir le bouquet de fleurs, elle ferait quoi, par exemple? Elle va acheter des fleurs. Ça, c'est une solution, ça c'est clair. Elle pourrait aussi semer des graines, par exemple, et cultiver son jardin, ou pas? Si. Une princesse peut rouler à vélo? Oui. De la moto, par exemple. Elle pourrait? Non. Non, Yonath. Ah oui, il n'y a pas de princesse à moto, toi. Non, ça n'existe pas. Parce que ça n'existait pas. Parce que de l'écriture. Oh, je ne sais plus comment dire. Du temps des princesses, ça n'existait pas. C'est ça que tu veux dire, Yonath? Non, parce que les princesses, elles existent toujours. Les chevaliers, ils existent toujours. Hein. Mais les princesses à moto. Tu dis que ça n'existe pas, toi? Parce que c'est pour les garçons et pour les filles, mais pas pour les princesses. Bah, pourquoi pas? Moi, je connais des princesses à moto, hein, même des princesses qui font du cheval, des princesses qui font du bateau, des princesses... Non, toi, tu connais pas? Ben non. C'est dingue, ça. Et des princesses qui se bagarrent, des princesses qui se laissent... Oui, ça existe. Et ils ont des métals avec du robe. Voilà, une moto. Ah ouais, ça existe, des princesses qui se bagarrent? Oui. Ah bah ouais, moi aussi j'en connais. T'en connais? Oui. Et où? T'en as déjà vu où? Je ne sais pas, j'ai même pas vu, mais je le sais. Tu sais que ça existe, quoi? Ben oui. Ok, ok. T'as plus envie d'écouter ou de parler? À mon tour. Tiens alors, t'as plus envie d'écouter ou de parler? Non, j'ai pas envie de le faire. T'as plus envie de faire? Bon ben voilà, il y a des princesses qui se laissent pas faire par exemple. Tu connais des princesses qui se laissent pas faire? Et toi, t'es une princesse qui se laisse pas faire, hein. Quand t'as décidé quelque chose, tu dis non, hein. C'est vrai, non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand t'as décidé que tu voulais quelque chose ou que tu voulais pas quelque chose, tu hurles, hein, tu te laisses pas faire. T'es d'accord ou t'étais pas d'accord avec ça? Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord. Je veux pas le casque. Mets-le-moi sur la tête, alors. Bon, je crois que Clara, elle commence à être bien fatiguée. Elle me regarde un peu en louchant. Bon, ben voilà, moi je ne sais pas que dire d'autre. C'était une improvisation totale avec Clara, 4 ans, Yonath, 6 ans. Et la discussion a porté sur le genre humain. C'est plutôt rigolo, hein. On quitte maintenant le monde de l'enfance et on va du côté des guérisseuses, des sorcières. Et c'est une assemblée qui se passe dans un village où la thématique était justement ces sujets-là, ce sujet-là, et on raconte. On avait dit qu'il y avait une sorcière au bois. Parce qu'il y avait une dame ici au-dessus du village. Ouais. Tous les soirs, elle sortait de chez elle et elle criait. T'as connu? Si. Hein. Je ne saurais plus te dire, je ne sais pas. Mais elle criait, t'as qu'à demander, c'est dommage que Claudine n'est pas là. Et alors on disait, écoute, il y a la sorcière qui est sortie. Le soir, elle sortait de chez elle, elle commençait à crier, et on l'entendait dans tout le village, et les enfants avaient peur. Et maintenant que je m'en rappelle que... Ça remonte la gentance. Oh, c'était une vieille dame à ce moment-là. Hein. Il y avait sa sœur qui habitait là aussi. Elle a su, hein. Et alors, il y a 20 ans. Ouais. 20 ans, oui. Au début que j'ai repris le magasin, elle était déjà là, donc 25 ans. Elle finissait. On l'appelait la sorcière. Parce qu'elle sortait le soir, très tard, et elle criait. Mais je ne saurais plus dire ce qu'elle criait. C'est vous aussi, on vous appelle la sorcière, il paraît. Oui. Mais je ne suis pas une sorcière. Non. Si on veut, je suis une sorcière, mais je guéris plutôt que... Mais tout le monde me dit aussi, mais comment tu fais, comment tu fais? Ben, comment je fais? Je ne croyais pas que ça aurait pu marcher. C'est ma mère qui avait, c'est plutôt un don que j'ai. C'est ma mère qui avait ce don-là. Et alors, un beau jour, elle m'a dit, tiens, voilà. Ben, j'ai dit, maman, t'es trop jeune. Non, prends-le, on ne sait jamais. Et elle m'a donné le petit papier. Et alors, j'ai enregistré. C'est-à-dire que quand on se brûle, une brûlure grandit pendant 9 jours. Si vous n'arrêtez pas la brûlure, elle grandit pendant 9 jours. Et alors, vous pouvez avoir la cloche, vous pouvez avoir de l'infection, vous pouvez avoir... Je viens de le faire, mais je suis arrivée trop tôt. C'est une jeune fille qui venait de se brûler. Et elle m'a téléphoné. Ben, je dis, écoute, si tu sais attendre une demi-heure, viens. Je vais le faire en public, puisque... Si quelqu'un veut se brûler avec une cigarette, convenablement... Mais un quart d'heure après, vous n'avez plus mal. Hein. C'est terminé. Hein. Ben, je dis un quart d'heure... Pour ne pas dire 5-10 minutes, allez. C'est quelque chose... Mon frère, j'ai eu un frère qui a eu le cas, il avait 14 ans, et dans le temps, bon, on cuisait le lait sur le poêle, et alors il jouait avec mon autre frère, le poêlon, du lait, tout chaud, dans les parties. Alors, obligé d'aller en clinique, il y a combien, 40 ans d'ici. Et alors, ma mère l'a signé avant de partir en clinique. Et là-bas, en clinique, quand elle est arrivée, ben à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Mercurochrome, là, hein? On a mis du mercurochrome partout. Et alors, le 9e jour, mon frère s'arrachait les peaux. Qu'il avait été brûlé. On a toujours des peaux après. Les docteurs n'en revenaient pas. Ils disaient, c'est pas possible, c'est pas possible. Le 9e jour, il s'arrachait les peaux et il n'avait plus rien. Je ne sais pas, il faut surtout y croire, mais il faut le voir aussi pour le croire. Les choses... Et avec la dame, là, enfin le monsieur là, qui raconte qu'elle avait mis quelque chose au-dessus du rang des cochons. Là. Oui. Moi aussi, je l'ai fait. Parce qu'au magasin, j'ai été volée 3 fois à Soray et 2 fois ici. Et on m'a dit, tu vas à... Allez. Non, oui. Mais à la grotte, là, ici. Allez. Cruppé. Oui. Tu vas à Cruppé. Et tu vas chercher un Saint-Donat? Non, Saint-Donat, c'est pour le feu. Bon, je ne sais plus maintenant. Saint-Antoine, c'est autre chose. C'est Saint-Antoine? Eh bien, c'est un Saint-Antoine. Hein. Tu vas chercher un Saint-Antoine et tu le mets au-dessus de ta porte d'entrée. Et tu n'auras jamais plus de voleurs. Je l'ai fait, comme je crois à tout. Je touche du bois aussi. Je n'ai plus eu les voleurs, hein. T'as surtout eu François. Eu François. Hein. Et voilà, bon, il y a aussi Saint-Antoine, quand on a perdu quelque chose. Quand on a perdu quelque chose, et vous pouvez le faire, enfin, moi, je ne sais pas, ça marche à chaque fois. Et il y a parfois des gens, encore cette semaine-ci, la voisine, Dominique, elle dit, parce que quelqu'un était venu me demander une échelle au magasin. Je dis, écoute, moi, je n'ai pas d'échelle. Si tu veux aller chez Dominique, va, elle en a une. Ben, le type, moi, je le connaissais bien, mais pas, il ne connaissait pas Dominique. Bon, soit, il s'en va, moi, c'est tout. Et puis après, je dis à Dominique, je dis, tiens, t'as eu quelqu'un pour une échelle? Non, qu'elle dit, j'ai pas eu. Ah, ben, s'en va, je dis. Et puis alors, le jeudi, son mari était là, elle travaillait, il cherche après son échelle, plus d'échelle. Alors, il lui téléphone, où as-tu mis l'échelle? Ben, je ne sais pas, Francine m'a parlé qu'elle avait dit à quelqu'un de venir chercher l'échelle. Voilà arrivé Philippe. Tu sais pas où est mon échelle? Ben non, je sais pas où est ton échelle. Mais oui, mais t'as dit à Dominique, ben oui, mais moi je ne sais pas si l'homme y est allé. Et alors Dominique vient voir, ben, je dis Dominique, en plus, mais j'étais malade cette semaine-ci, alors j'étais dans mon bureau en train de travailler, il me semble que j'ai vu passer quelqu'un avec une échelle. Mais j'ai pas regardé qui c'était. Et puis, ben, je dis, il me semble que je l'ai vu passer, ton échelle, en plus. Hein? Enfin, soit. Alors, je dis, écoute, quand les enfants rentrent de l'école, demande à Thomas et à ses enfants, ses gamins, s'ils n'ont pas vu. Ça va. Et puis, alors, je vais dire une prière à Saint-Antoine. Oui, c'est ça. Alors, Francine, évidemment, Saint-Antoine de Padoue, vous qui retrouvez tout dans les petits trous, rendez-moi ce que vous m'avez pris et qui n'est pas à vous. Et puis après, on vient. On a retrouvé l'échelle, hein. Ah, merci Saint-Antoine. Où qu'elle était? Ben, elle était chez l'autre voisin, il était venu chercher à prêter, on avait oublié. Ah, tu vois, tous des petits trucs comme ça. Moi, je suis un... Ah, ben non! Non, mais bon, je vous dis, c'est... Cette famille, ça, c'est... Quand tu... Ça dépend... Mais tout ce qu'on raconte, j'aime bien, tout ça, hein. Mais les vieilles histoires dans le temps, oui. On a entendu des histoires au bois ou... J'ai entendu des histoires dans ce genre-là, plus ou moins les mêmes ou pas. Moi, je crois que c'est des histoires qui circulent un peu les mêmes un peu partout. Oui, mais je ne suis pas assez vieille hein, quand même. Hein, pour... On aurait dû inviter plus de vieux, hein, Maurice. Hein, enfin, soit. Mais oui, j'ai déjà entendu. Par exemple, mon frère aîné, lui, c'est contre les coliques des chevaux. Vous savez, les chevaux, ils font des coliques. Ils se tournent et tout ça. Eh bien, vous pouvez aller trouver mon frère. Lui, il fait sa prière pour les coliques des chevaux. Et ça marche. Mon père avait ça. Mais il n'y a pas une semaine qu'on me téléphone pour une brûlure. Hein. Sa petite fille, elle est partie. Parce que je le fais, pas spécialement sur la personne. Hein. Sa petite fille était partie en Égypte. Et elle a téléphoné à sa grand-mère qu'elle était brûlée avec le soleil, avec des cloches. Et bien alors, du moment que je sais où on est brûlé, si c'est un homme, un enfant ou une femme, il n'y a pas de problème, parce qu'on me dit « je me suis brûlée ». Ben, je dis « oui, mais où tu t'es brûlée ?» Ben, l'avant-bras, près de la main, et, bon, ben ça va, je le fais. Et alors Francine, ben, trois fois, et voilà. Et puis et par après, il y a parfois que ça n'a pas si bien marché. Pourquoi? Parce qu'on me dit par téléphone « oui, c'est là ». Ben oui, ça va, c'est là. Et puis après, je dis... Je ne sais plus, moi, je redemande où c'était. J'ai bien. Mais j'ai encore eu mal un peu, ce qui dit. Qu'elle dit. Ça n'a pas passé tout de suite. Oui, mais où est-ce que c'était? Mais c'était là. Ah, oh, mais tu m'as dit là. Alors, moi, ça ne m'a. Moins, je vais dire. Mais, oui, hein, des gens de partout qui me téléphonent. Pourquoi? C'est des prières? Ou c'est vrai, ils allaient demander. Tu dis quelque chose? Oui, en même. Oui, formule. Des formules, oui. Et si moi, je l'ai dit, par exemple? Ah non, je ne la donne pas. Oui, c'est une formule magique. Non, non, non. C'est une formule magique. Ah, ben, peut-être, je n'en sais rien, moi. Non, mais ce n'est pas quelque chose qui se transmet dans une famille, et c'est une famille. Ah, ben, je dis, écoute, je l'ai reçu de ma mère. C'est un secret. Oui, c'est un secret. Je ne sais pas, je suppose que ma mère, j'ai oublié, moi, il faudrait que je demande à mes frères, ils sont plus vieux, pour voir s'ils n'ont pas. Que ma mère l'a certainement eu de sa mère, de sa grand-mère. Mais quand ma mère me l'a dit, je dis, maman, arrête, ça va pas marcher, hein. Te saute, ça va pas marcher, c'est pas parce que ça marche à toi. Et une fois que votre mère vous l'a donné, après, elle n'avait plus, ne pouvait plus le faire. Ah, si. Mais elle n'a plus vécu longtemps, donc elle le sentait certainement. Mais alors, au début, un petit papier dans mon portefeuille. Mais alors, maintenant, ma sœur fait la même chose que moi. Mais elle le fait. Moi, je le fais 10 fois, elle le fait 1 fois. Quand on lui téléphone que c'est trop brûlé, Francine, tu ne veux pas le faire avec moi. Je crois que le don est plus vers moi. Il y a eu une année, je ne sais pas si tu te rappelles, les chauffe-eau, là, il y a eu le... Allez. Des chauffe-eau qui explosaient ? Non, oui, qu'il y a eu le feu, là. Est-ce que c'était ça ? Quelques années d'ici, hein. Allez. Le frère de Christian Massard qui a été brûlé. Il était en clinique, il a été brûlé. Si, enfin, soit. Il y avait une explosion quelque part. Et il y a un gendarme de chez nous. Il est venu me trouver et m'a dit, ben, ça va, je dis, je vais le faire. Alors, quand on me dit c'est sur un homme, ben, j'essaye toujours de faire sur un homme qui est là. Si c'est sur une femme, que je ne sais pas le faire moi-même, hein. Je le fais. Si c'est sur un enfant, je l'ai fait. J'ai fait un enfant. La femme était au téléphone. Elle venait mettre couler le bain de l'enfant. L'eau chaude. Elle était au téléphone. Quand elle revient, l'enfant était dans l'eau chaude. Alors, tout de suite, on m'a téléphoné. Tout de suite, je l'ai fait. Et ça a marché. Je l'ai fait. Par exemple, sur le cancer du sein. Cancer du sein, on est opéré. On fait des rayons après. On est brûlé. Que ce soit la brûlure de l'eau, la brûlure du soleil, la brûlure du feu, la brûlure, vous tombez en vélo ou en moto, On est chavé, comme on dit. Ouais. Vous êtes brûlé. Oui. Tout ça. Tout ce qui est brûlé. J'avais encore fait un jeune qui vient et qu'est-ce que tu as fait? Ben, je me suis coupé en faisant ma barbe, qui dit, hein, et j'ai tout la pointe partie. Ben, je dis, donne, je vais te signer. C'est quand même la pointe, c'est sensible, c'est brûlé, ça fait mal. Et je l'ai signé. Mais il faut y croire quand même. Est-ce qu'il y en a d'autres dans vos villages qui connaissent des personnages comme Francine, qui ont des témoignages dans le genre? Nous, hein? Avec notre fils, c'est exactement comme vous dites. Donc notre fils a versé le chauffe-biberon sur lui en tirant sur la nappe et l'eau a coulé carrément partir d'ici sur tout son thorax et un peu sur les épaules. Et j'ai un ami qui, comme vous, signe les brûlures. Et on lui a téléphoné avant de partir à l'hôpital. Et sur le viaduc de B, le petit s'est arrêté de pleurer. Bon, on nous a quand même transféré sur Neder-Overenbeek, mais 3 jours après, il avait greffé une peau, etc. Et 3 jours après, la peau est partie. Il était complètement guéri, sauf ici, parce qu'on n'y avait pas dit qu'il était brûlé au-dessus des épaules. Et là, il a gardé des traces, mais ailleurs, il n'a plus aucune trace. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller en clinique après. Hein. Ça ne veut pas dire que je guéris tout. Non, j'ai encore eu le cas l'année passée, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, à mon mari. Hein. Mon mari qui rentre, j'ai une vieille voiture, enfin le vieux break, et alors on ne peut pas la laisser tourner parce qu'elle chauffe. Et mon mari avait été livré ses bonbons et tout ça, il rentre à la maison, donc il avait laissé une demi-heure tourner, un quart d'heure chez un voisin, un quart d'heure là, et il rentre à la maison et qu'est-ce qu'il fait? Il avait vu la température. Il ouvre le bouchon du réservoir d'eau. Évidemment, il ne faut jamais faire ça. Parce que, hein? Mais d'habitude, quand on ouvre le bouchon, il y a un premier, ouais. Et puis tu rouvres après. Mais lui, non. Un peu spécial. Ah oui, mais non, écoute, il ouvre le bouchon, voilà, brûlé. Il a son gant, hein, il s'est brûlé. Il rentre, il bouge son gant, il dit, vite, de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau froide. S'il faut mettre sur l'eau froide, c'est pour commencer. Je suis brûlé. Qu'est-ce que tu as fait? Oh ben oui, c'est malin, tu le sais bien, Patrick. Signe-moi. Mais, en vitesse et un petit peu en se moquant de lui. Alors, moi je dis, Patrick, t'es quand même bien brûlé, hein, je dis. On a appelé le médecin, hein, et le médecin est venu pour rien faire, hein. Parce que dans ces cas-là, il faut mettre de la flamazine. Ah oui, c'est très bon. De l'eau, 3/4 d'heure en dessous de l'eau, et puis de la flamazine. Et puis, dis, refais-le-moi un peu convenablement, hein. Il me semble que t'as bien été vite, que c'est pas bien fait. Allez, oui, je vais te le refaire convenablement. Alors, je l'ai lui refait, alors... Ah, ça va mieux quand même, qu'il me dit, ça. Ça est passé. C'est un peu comme des choses magiques. Il n'y croyait pas non plus, attention, hein. Il lui a fallu le temps, hein, pour y croire. Parce que c'est un jour, on était allé à la mer, et évidemment, monsieur s'installe, premier rayon de soleil, paf, brûlé tout rouge, il serre ses jambes. Ah là là là là. Ben Patrick, je vais te signer. Non, je n'y crois pas. Ah oh ben tire ton plan alors, hein. On va dans un magasin à photographe. La femme nous dit, mettez de l'eau de Javel, madame. Ça tire. Oui, ça tire. Hop. Oh. Tu veux que j'aille acheter de l'eau de Javel? Oui, acheter de l'eau de Javel, on met de l'eau de Javel. Ça marche pas. Ben, je dis, Patrick, moi je ne sais rien faire. Hein. Alors... Allez, signe-moi. Bah, faudrait que je lui redemande parce qu'il y a 20 ans. Hein. Alors, signe-moi, qui dit, allez, signe-moi. Ben, ça va, bouge pas, hein. Non, je le fais 2 fois. Puis après, et alors? Ben, j'ai plus mal. Mais qu'est-ce que je t'avais dit? T'as jamais voulu. Et alors, depuis là, ben, il y croit quand même, hein. Et alors, voilà, non, ça marche, ça va. Je vous dis, même à l'étranger, il y a un voisin de maman, c'était pas moi, c'était maman, il était en Italie, il était brûlé dans son dos. On cuisait les tomates dans son dos, hein. Parce que les rondelles de tomates aussi, c'est bon, hein. Il avait mis des rondelles de tomates, les brûlures, hein. Oui. Mais il est revenu d'Italie, hein. Il est revenu d'Italie pour se faire signé, ça dépend comment tu es brûlé, ça dépend à quelle heure, ça dépend la grandeur de la brûlure. Hein. Mais ça marche. Ça, je vous dis, si quelqu'un veut se brûler, ça marche. J'étais venue, hein, François. Tu vois, ça me Béné, hein. François, elle j'étais venue avec la jeune fille. Elle était toute rougissant ses doigts, c'était brûlé en mangeant chinois, je ne sais pas quoi. Ben oui. Elle me téléphone, ben je dis, viens à la salle, je dis, je vais avoir une preuve, je dis. Mais elle a sonné. Hein. Elle a sonné que ça avait marché, elle a sonné que... Tu laisseras ton numéro de téléphone, hein. Oui. Ah oui, mais il ne va plus s'arrêter. Hé, hey, tu, laisse-moi un peu dormir, hein. Juste de rater la fête de sonner, François. Ben, je n'ai que ça, je crois. Hein. Moi, je suis Saint-Antoine. Sainte Rita, ça oui, ça de la sainte aussi. Et alors, hein, François, écoute un peu. Il sait bien toute ma vie, lui. François, le vieux frère officiel, il va importer. Mais il n'y a rien d'autre, François. Encore des notes. Comment ? Encore des notes ? Oui, je me demande. Non, mais François, si vous saviez. C'est pas le sujet ce soir. C'est un sorcier aussi, parce qu'il me prend en photo tout le temps. Mais on n'a jamais les photos. Oui, alors, les photos. C'est une chance. Hein, on va être hors contexte. On va être hors contexte, hein, je pense aussi. Oui, mais non. Hein. Un témoignage, s'il vous plaît. Non, mais et par rapport à tout cela, dans la salle, il n'y a personne qui a d'autres histoires à raconter. Dans chacun dans votre village ou dans les gens que vous connaissez, vous n'avez pas des témoignages dans le genre? Installé juste en face du docteur Meurice. Et il y a d'ailleurs une chapelle maintenant, là. Oui, la rue des Forges, oui. Tu y es allé, oui. Quand je suis sortie, je marchais normalement. Mais chez nous, ici, on avait l'homme des fonds des camps. Quand tu avais perdu quelque chose, tu allais près de lui et il te disait à peu près, voilà, vous allez à une telle place, à une telle place. J'y suis allée. Parce que mes parents avaient deux chiens, un grand malinois et un petit brun, là, c'était mon chien, Whisky. Et ils sont partis un jour et ils ne sont jamais plus revenus. On dit, c'est pas normal. Ils allaient faire leur tour et puis ils revenaient, c'est pas normal. Il y a quelque chose, on les a empoisonnés. Et on est allé trouver l'homme des fonds des camps. Et quand on est allé trouver, il a dit, écoutez, vous allez dans tel bois, près de chez vous, à tel endroit, vous allez voir. Et en effet, on est allé voir, on a retrouvé ce qui restait de nos chiens. Mais nos chiens étaient là. Oui, oui, l'homme des fonds des camps, c'était aussi... oui, oui. Et l'homme de Gèvres, leur bouteux, comme on dit. On allait à Gèvres et on allait pour des entorses et tout ça. Et tu ressortais. Mais il y en a plein. Hein. Moi, j'en connais plein. Oui, vous connaissez personne, il y en a plein. Oui. Hein. Maurice, il a déjà été trouvé pour son dos. Il a déjà été trouvé du côté d'Amé, du côté de... Allez. Il y a Suisse aussi, à Mayen, je crois. Ils étaient les brûlus. Ah oui, oui, oui, oui. J'ai bien, pour ma mère, on a été trouver quelqu'un aussi. On est allé chercher du sirop. Elle avait le cancer, on nous a dit, va là-bas, va chercher le sirop. Mais ça n'a pas marché, mais bon, peut-être bien qu'elle était trop avancée. On ne sait pas. Faut voir. Oui, il y en a plein des gens pour le dos, pour ceci, pour cela. Si, moi j'en connais beaucoup, mais bon... Et par rapport aux histoires qu'on a entendues jusque maintenant aussi, il y a quand même un truc qui est assez intéressant, c'est que on a pour 2-3 heures d'enregistrement avec ces histoires-là, et une fois on avait une copine qui venait des Alpes, d'un petit village perdu là, dans la montagne du côté de Briançon, et on était en train de travailler sur ces histoires-là, et elle les avait écoutées, et ce qui était très drôle, c'est qu'elle reconnaissait ces histoires-là. Ça faisait partie aussi... du vécu de sa grand-mère. Enfin, pas toutes, mais une bonne partie. Donc, quelque part, c'est des histoires assez universelles. Enfin, chez nous en Europe, je veux dire peut-être même plus loin, quoi. C'est, je crois que parce que ça touche aussi à des peurs, comme j'ai dit tantôt, des peurs universelles, et c'est des histoires qu'on retrouve un peu partout. Alors, comme on a la chance d'avoir une anthropologue, elle pourrait peut-être nous ouvrir un peu le débat à ce niveau-là. Un truc, s'il te plaît. C'est pour le sang. J'ai un numéro de téléphone aussi pour le sang. Quand quelqu'un se fait opérer ou quand quelqu'un a un accident, eh bien, je lui téléphone, moi. Et alors, je dis, hop, Antoine, oui, écoute, il y a un tel qui se fait opérer demain. Ah oui, à quelle heure? Un tel, telle heure. Eh bien, je l'ai fait pour mon fils aussi, qui est opéré. Et alors, il ne demande que le prénom. Et le lendemain, à l'heure de l'opération, il fait sa prière aussi, si vous voulez. Et vous pouvez demander, j'ai déjà eu des cas, tiens, c'est bizarre, même le docteur, ben, il ne signe presque pas, il n'a pas. Eh bien, parce que l'homme a fait la même chose que moi, si tu veux, mais pour le sang, et alors, à l'opération, il n'y a pas eu d'hémorragie, on n'a pas dû remettre du sang, et alors, mon fils, j'ai eu le cas, parce que bon, on lui avait mis des drains, et bien dans les drains, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment qu'un filet de sang qui est coulé, il n'y avait rien. On a dit, oh, c'est très bien, il n'a rien. Ça marche aussi. Et c'est toujours les prières qui sont transmises de personne à personne? Je n'en sais rien, parce que je vais te dire franchement, je n'ai qu'un fils. Il est comme moi, je vais dire, je suppose, il est croyant et tout. Mais je pense que je ne vais pas lui donner la prière. Mais parce que... dans ma tête, je pense que ça se transmet de fille en fille. Pour moi, je ne sais pas. Hein. Bon, je lui donnerai peut-être, et il fera ce qu'il veut après ma mort. Hein, ce qu'il veut. Mais j'ai une nièce qui porte le même nom que moi et qui a eu une fille. Et je pense que je vais la donner. Elle le sait déjà bien. S'il m'arrive quelque chose, la prière est dans mon portefeuille que ma mère a écrite. C'est pour toi. Et alors, comme ça, tu pourras la transmettre à Fanny, sa petite fille. Est-ce que je veux dire, c'est ton frère aussi qui guérissait les coliques des chevaux, oui. C'est ça? Et lui, c'est aussi une prière. Oui. Et cette prière-là, c'est quelque chose qu'il a aussi reçu de... De mon père. Je pense que mon père l'avait reçu de son père. Ici, c'est de famille en famille, mais bon, je ne sais pas. Mais je suppose, oui, je suppose. Ma mère avait deux filles, elle les a données à ses deux filles. Mais il y a plein de trucs, parce que j'ai un bouquin comme ça. J'ai une amie, elle me dit, ah, j'ai acheté un livre, qu'elle dit, ah, c'est bien. Oh, tu peux l'avoir, elle dit, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Hein. C'est tous les secrets. Donc, quand on est opéré, quand on a le mal aux oreilles, quand on a des trucs, et il y a des gens qui me téléphonent, eh ben, j'ai mon bouquin à ma table de nuit. Hein, et alors, je regarde où je le fais. Mais il y en a plein, si j'ai oublié de le prendre. Hein, il y en a. Il fallait qu'aux heures mettre les autres. Hein. Oui. Ah ben moi, ce que je voulais un peu dire ce soir, c'est plus un point de vue d'anthropologue, donc c'est un peu plus détaché, peut-être, je ne sais pas. C'était déjà, premièrement, mais c'était clair qu'il faut faire la différence, je crois, en trois pratiques traditionnelles qui sont un peu les restes des pratiques pré-chrétiennes, donc très anciennes, et que de fait on retrouve dans toute l'Europe. C'est comparable en tout cas en France, en Wallonie, et on va trouver ça aussi en Espagne et ailleurs en général. Il y a d'abord ce qu'on va appeler les guérisseurs empiriques. Alors, des guérisseurs, ce sont les rebouteux, c'est ceux qui vont remettre les entorses. Donc, où il y a plus un travail, je dirais, manuel, ou alors des gens qui vont préparer des remèdes à base de plantes ou des potions. Alors, il y a notamment près de chez moi l'eau de Catherine Serret, donc, qui est une recette et une eau qui sert un peu à tout. Oui. La graisse. Oui, des préparations comme ça. Très bien aussi, la graisse. Et donc, des gens qui ont des recettes. Alors, la deuxième catégorie, bah, c'est Francine, ce sont les signeurs, toutes ces personnes qui possèdent un secret. Alors le secret, c'est généralement, il est passé de père en fils, de mère en fille, mais parfois ça peut être donné à quelqu'un d'autre. En fait, c'est la personne qui, comme toi, va choisir un peu mieux qui est plus apte dans la famille ou dans l'entourage. Moi, je trouve que c'est elle, parce qu'en plus, je pense que ma marraine était ma mère était sa marraine, en fait, un truc comme ça. Oui. Et puis c'est elle qui ressent à 100% ma mère. Voilà, ben, pour plein de raisons en général, ben, c'est comme ça, ça va être transmis. Je n'en sais rien, je suppose. Et c'est toujours un service qui se veut gratuit et une obligation de soigner aussi. Je crois que quand quelqu'un te téléphone, tu es obligé de soigner. Le fait de porter, d'avoir ce don-là, ça rend la personne en permanence à service, quoi. Et ben, ça peut être fait directement sur la personne. Comme toi, il y en a qui le font par téléphone. On va voir ce que c'est. Ça peut être ça. Oh. Mais oui, à la salle, pourquoi? Je sais pas, je parle de quoi. Oui, ça va. Donc, par téléphone, alors il y en a d'autres qui soignent aussi par l'intermédiaire de vêtements. Donc apporter un vêtement du malade et c'est le vêtement qui est signé. Ou c'est parfois signé, parfois il y en a d'autres qui soufflent ou qui vont marquer avec la salive. Certaines personnes qui soignent, par exemple, les maux d'estomac, parfois, en disant les prières, sont elles-mêmes malades, et très violemment toute une nuit. Donc là, le fait de porter le don est particulièrement pénible pour ces personnes, car chaque fois qu'elles soignent, elles sont elles-mêmes malades pour 12 heures. Donc voilà, mais ça peut être, c'est très fréquent aussi pour les verrues, je crois que tout le monde, en tout cas à la campagne, aura entendu cette histoire de faire signer sa verrue et les brûlures. Et comme disait Francine, il y a aussi faire signer les animaux comme fait son frère. Notamment les dartres des veaux. Alors moi, je connais plusieurs agriculteurs ici dans le Condreau qui font signer les dartres. Ce sont des plaques, en fait, sur les veaux, notamment. Et donc, le seigneur vient, fait une croix, fait une prière et les dartres partent. Donc, bon, bah, là, ça pose vraiment beaucoup de questions en ce qui concerne la croyance. Est-ce que c'est parce qu'on y croit que ça marche? Mais dans ce cas-là, sur les animaux, pourquoi ça marche? La question n'est pas du tout résolue et je trouve ça assez passionnant et assez intéressant. Dans tout ce qui est médecine traditionnelle, il y a aussi toutes les eaux guérissantes, toutes les fontaines où l'eau est un peu miraculeuse. Il y en a vraiment pas mal. Il y en a à Solières, il y en a Stray aussi, je pense. Comment ? Guérissante. Non, et les arbres à clous aussi, dans certains endroits, on trouve des arbres avec des clous plantés, notamment parfois avec un linge du malade, et comme pour transférer le mal. Donc le mal est transféré directement à l'arbre. Donc c'est souvent dans la médecine populaire, comme ça, le transfert du mal. Aussi, parfois on soigne des blessures rouges en mettant du tissu rouge, donc pour que ça soit transféré. Ou par analogie, moi c'est un peu à ça que ça me faisait penser, l'eau de Javel pour soigner les coups de soleil. J'ai un peu l'impression que c'est une invention de... ça va blanchir, ou de, je sais pas, c'est assez particulier en tout cas. Ça devait calmer la douleur, mais ça n'a pas marché. C'est vrai. Mais en tout cas, je crois que la sorcellerie, elle doit bien être séparée d'une part de ces rebouteux et de ces gens qui font des potions, et de l'autre côté des signeurs, parce que ces personnes sont obligées... pratique pour le bien, tandis que le sorcier, lui, un sorcier, c'est quelqu'un qui va agir pour le mal ou qui va renvoyer un sort et renvoyer le mal. Le sorcier, c'est aussi celui qui possède les livres. Alors les livres, ce sont les livres où il y a toutes les recettes de sorcellerie, toutes les incantations, etc. On connaît comme livres le Grand et le Petit Albert. Alors, il y a le Grimoire du Pape Honorius. Il y a la poule noire, il y a le véritable dragon rouge, donc il y a toute une série de livres qui ont circulé au Moyen-Âge et qu'on trouve toujours maintenant. Mais en fait, actuellement, la sorcellerie, elle a existé pas mal et avant tout, elle a existé pour expliquer d'où venait le mal. Parce qu'on pouvait pas toujours... on cherchait une cause. Oui. Une cause, un bouc émissaire, oui, c'est ça. Enfin, moi, j'ai l'idée de la sorcellerie comme... je vois donc une personne marginale, éloignée dans une forêt ou quoi que ce soit. Enfin, bon, ça, c'est l'image. Mais c'est un peu la personne qu'on va voir en cachette parce que, justement, elle guérit aussi. Donc, je crois... Est-ce que c'est toujours négatif? Non. Enfin, je veux dire, on sait que c'est elle qui avait des secrets des plantes, qui avait certains secrets... je ne sais pas, peut-être... peut-être que ce n'est pas des pouvoirs comme... comme Francine peut en avoir, mais qu'il ne soit pas lié à Dieu, oui, oui, oui. Ou je ne sais pas quoi, mais qu'on allait voir en cachette pour voilà, qu'on ne pouvait pas dire qu'on y allait, mais on a quand même la banque cachette pour qu'elle nous aide ou qu'elle guérisse. Et... Mais c'est toujours un peu ambigu. Je dirais qu'on parlera de sorcellerie, elle peut agir en bien ou en mal. Mmh. Mais on va parfois parler de la même personne en disant c'est une sorcière quand elle fait quelque chose de mal. Mmh. Et c'est une guérisseuse si elle fait quelque chose de bien. Oui, donc, ce sont aussi des pratiques qui sont quand même comme ça, un peu entre les deux. Mais ce qu'on va appeler plus précisément la sorcellerie, c'est le fait de jeter un sort et de contrer le sort. Mmh. Mais oui, des personnes peuvent à la fois faire le bien et le mal. Et des personnes peuvent être dites sorcières parce qu'elles se comportent autrement que les autres. Dans mon histoire, voilà, dans ce que tu racontes avec cette femme qui criait, voilà. Mais ça, c'est la vérité. Elle sortait tous les jours au soir, il fallait qu'elle sorte et elle criait. Je ne sais plus ce qu'elle criait. Mais oui, mais dis... C'est pas cool. Je ne suis pas assez vieille. C'est une des manifestations de la souffrance aussi, on peut voir ça comme ça, je veux dire. C'est pas plus sorcier que ça, enfin, justement.